vous laisse créer un jeu magique avec une recette maintenant, c'est pas possible, ça marchera pas bien. Ok, Christophe, ça marche très bien. Ça va scintiller comme le Père Noël. Et mon sapin de Noël qui scintille. We'll be right back. quoi. CPU Z. Télécharger CPU Z avec un virus.